Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Emmanuel Leroy-Ladurie l'a écrit à plusieurs reprises. L'historien se doit d'être un chien truffier et un parachutiste. Le truffier n'est autre que celui qui a la chance de trouver un trésor historiographique, une truffe. De sa hauteur, le parachutiste, quant à lui, s'efforce, en temps de guerre, de ne laisser passer aucune parcelle de terrain. Parce qu'il est sur tous les fronts, explore, surtout découvre et prend toujours de la hauteur, Laurent Olivier sera aujourd'hui notre parachutiste truffier. Laurent Olivier, bonjour. Bonjour. Conservateur en chef du patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, vous êtes en France le grand spécialiste de l'archéologie nazie et de celle de la collaboration. Notre sujet du jour sera de savoir si le sel fut l'or blanc des Gaulois, un sujet que vous connaissez bien puisque vous fouillez une mine de sel, pourrait-on dire, au figuré. Laurent Olivier, l'histoire des Celtes, vous la présentez au musée d'archéologie nationale. Quoi qu'il en soit, les Gaulois et leur histoire, ne serait-ce pas tout simplement, à défaut de pâte à sel, de la pâte à modeler? C'est une pâte à modeler dans la mesure où, paradoxalement, on peut en faire ce qu'on en veut. Et on en a fait ce qu'on en veut. Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a une voix qui vient du passé, qui dit quelque chose d'authentique, qui dit quelque chose du passé quand il était le passé. Mais pour l'entendre, il faut que ça résonne avec quelque chose chez nous. Et c'est pourquoi, quand on regarde le passé, en plus ce passé des origines, on le regarde toujours à travers le filtre de notre propre société, de notre propre regard sur qu'est-ce que c'est que les origines, qu'est-ce que c'est qu'un groupe humain, qu'est-ce que c'est que l'histoire. On en a fait surtout des élites guerrières, on en a fait aussi des forêts profondes, donc deux extrémies, pourrais-je dire. Alors les élites guerrières, on sait d'où ça vient, hein. Ça vient effectivement de l'archéologie ultramoderne du Troisième Reich, qui a laissé une empreinte extrêmement durable, y compris sur l'archéologie française, hein, dans cette idée que la proto-histoire aurait été dirigée par des sociétés avec des élites militaires, guerrières, entre guillemets, qui régnaient sur des communautés paysannes, attachées à leurs terres, etc., loin des étrangers. Aujourd'hui, évidemment, on ne pense plus à ce genre de choses. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on les regarde, quelle image on donne, et comment cette image-là, en fait, est le reflet de ce qu'on considère être important pour une société. Justement, le 19e siècle, Camille Julian, Pétain, jusqu'à la grande exposition de la Cité des sciences et de l'industrie, Gaulois, une expo renversante, tout cela, n'est-ce pas encore de l'idéologie? C'est toujours de l'idéologie et même de la propagande. On peut utiliser carrément le mot quand, à partir du moment où on essaye de donner une image qui dit « voilà, on va vous dire comment ça s'est passé, on utilise les meilleures méthodes qui nous permettent de comprendre au mieux ce que sont les choses, on va vous restituer au peuple ébahi la vérité archéologique ». Quand on est là-dedans, on est dans de la propagande et on est dans de l'idéologie. Je trouve plus intéressant de se dire qu'en fait, c'est un objet compliqué, c'est fait de strates interprétation, il y a la nôtre qui est en train d'évoluer, il y a les différentes interprétations du passé, il y a la réalité fragmentaire aussi qui nous vient des vestiges archéologiques et des sources historiques, et tout ça en fait c'est plutôt une matière à interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'autre, qu'est-ce que c'est que nous, d'où on vient, quel est le sens de l'histoire. Je trouve que c'est plus intéressant de poser ça dans ces termes-là plutôt que d'asséner ou prétendre asséner une vérité qui, on est bien placé pour le savoir, est une fiction. En tout cas, on sait que, par exemple, Pétain et Vichy pensaient que les Gaulois étaient une société vaincue car non organisée. Hein. Bon, c'est un sujet dont on a souvent parlé. Mm-hmm. Quelle serait la propagande aujourd'hui, s'il y en a une? Aujourd'hui, je pense qu'on est sous l'influence du tout économique, c'est-à-dire c'est ce que Roland Gori appelle la société de la norme. On est à fond là-dedans et l'archéologie y est brutalement soumise à ça. Donc ça produit aussi une certaine vision du passé qui est la vision produite par des gens auxquels on demande de plus en plus un travail d'expertise et non pas un travail de pensée. C'est un passé quantitatif, c'est un passé avec des grands tableaux historiques dans lesquels on restitue les différentes phases du passé en marche vers la civilisation. C'est quelque chose qui reste à décortiquer, à déconstruire. L'impact de l'économicisation de l'archéologie produit quelque chose sur la fabrication du savoir. Quel résultat ça a ? En tout cas, notre vision des Gaulois, elle est désormais liée à l'archéologie. Ce qui est bien ou mal, ça, je n'en sais rien. Oui, elle est liée à l'archéologie. Alors, ce qui est très intéressant quand on regarde l'histoire de l'archéologie, c'est que c'est un phénomène extrêmement récent, parce que pendant très longtemps, les Gaulois n'ont été qu'un objet d'histoire. On les connaissait par les auteurs antiques, Posidonios, Dur de Sicile, César, le premier d'entre eux. Et c'est seulement à partir des années 1860, 1865, le milieu des années 1860, que les Gaulois surgissent comme un objet archéologique. Et c'est très décevant parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'on attend en réalité. Et l'archéologie, elle a un rapport que je trouve extrêmement intéressant avec les sources historiques parce que, contrairement à ce qu'on voudrait lui faire dire, elle n'est pas l'illustration des sources historiques. On ne trouve pas la maison de Vercingétorix à Lésia, on ne trouve pas les druides, on ne trouve pas les chevaliers, on ne trouve pas les événements politiques marquants dont nous parlent les textes historiques. On trouve autre chose. On trouve autre chose qui a plutôt une signification anthropologique. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, plutôt que de les opposer ou plutôt que d'essayer de faire de l'une la petite soubrette de l'autre, l'archéologie au service de l'histoire, c'est dans l'échange entre les deux et dans cette relation justement d'incomplétude. Les deux sont fragmentaires, les deux sont partiels, les deux sont orientés. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de regarder comment ça fonctionne un par rapport à l'autre. En tout cas, la proto-histoire et les Gaulois, bien sûr, ont été investis par l'archéologie depuis une trentaine d'années. Il y a eu un véritable regain d'intérêt autour de cette période. Oui. Alors c'est tout à fait intéressant parce que c'est lié aussi à l'identité dite celtique. C'est aussi une fabrication contemporaine qu'on voit réapparaître dans les années 70. Rappelez-vous, Pierre Jacquet-Gélias, le cheval d'Orgueil, la mode pour la Bretagne bretonne, le retour au régionalisme après une petite éclipse après 1944. L'idée des Gaulois, c'est intéressant parce que ce qui est plus, si vous voulez vendre un livre, intitulez-le plutôt « Les Celtes que les Gaulois ». C'est l'idée, la musique celtique, l'Irlande, l'Écosse, c'est l'idée d'une grande communauté pré-chrétienne, celle d'identité celtique. Et ça aussi, c'est une fabrication complètement idéologique. Et puis, il y a la celtomanie, qui est une branche un peu à part de cette discipline. Toujours vivace, qui a trouvé un moyen de se réincarner dans les doctrines New Age, la proximité de la nature, etc. Hormis les Gaulois et les Germains, l'archéologie nazie et la collaboration pétainiste, vous avez ouvert de grandes fouilles autour de la question du sel, autour d'une ville de Marsal en Moselle. Il s'agit bien sûr de votre truffe historiographique à l'image du Montaillou, village occitan d'Emmanuel, le roi Ladurie. Pourquoi ce lieu dont je ne connais absolument rien ? Alors c'est une toute petite vallée qui fait 10 km de long dans l'endroit où on travaille, qui se trouve à environ 25 km à l'est de Nancy, qui est la vallée de la Seille. Son nom vient de Salia dans l'Antiquité, l'eau salée. Et elle présente l'avantage extraordinaire d'être une sorte de conservatoire à la fois archéologique et environnemental. Ça a été un endroit où le sel a été exploité d'une manière intensive et des sources salées naturelles qui remontent de la saumure du sous-sol à une concentration trois fois supérieure à celle de la Méditerranée. On est aux alentours de 100 grammes par litre. Et en fait, on y exploitait le sel depuis probablement le néolithique jusqu'à la révolution industrielle, jusqu'en gros les années 1840. Et la révolution industrielle a fait se déplacer les lieux de production qui sont maintenant du côté de Dombasle, entre Lunéville et Nancy. Et donc, c'est un endroit où vous avez conservé l'archéologie du sel depuis les origines jusqu'au XVIIIe siècle, avec un énorme impact sur l'environnement, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui fait que le caractère intensif de la production a amené une catastrophe écologique qui a complètement obstrué la vallée par endroits de 10 mètres de sédiments. Et ce remplissage, en fait, a enregistré, ça contient énormément de restes végétaux. C'est un milieu tourbeux et salé, donc ça conserve très bien les matières organiques. Et donc, c'est un enregistrement de l'histoire de l'environnement et du milieu sur les 7 derniers millénaires avec un degré de résolution extraordinaire. Laurent-Olivier, je reprends ce que vous disiez. L'extraction du sel semble très ancienne. On parle du néolithique. On serait déjà vers environ 7000 ans et des hommes se mettent à extraire ce produit. Il faut comprendre à quoi sert le sel. Aujourd'hui, ça ne sert à pas grand-chose à part à déneiger les routes et à saler la nourriture. En fait, avant l'invention des techniques de conservation par le froid, c'est le seul moyen de conservation à long terme avec le fumage des aliments. C'est aussi... Et on l'oublie parce que ça fait bien des générations qu'on n'est plus paysan, on n'est plus agriculteur, mais les animaux, les herbivores, ont besoin de compléter leur régime alimentaire par du sel. Les vaches donnent plus de lait, les moutons donnent une meilleure laine. Et puis, on l'a dit, c'est un élément de conservation des viandes et des légumes, des salaisons, etc. Donc, quand on habite au bord de la mer et qu'on peut trouver du sel, ça va. Mais dès qu'on est sédentarisé avec des troupeaux à l'intérieur des terres, il y a un problème immédiat qui se pose, c'est où trouver du sel. Et donc, les endroits où il sort du sel de manière naturelle, dans ce cas-là, par le terminal de source salée, ça a immédiatement capté l'attention des communautés qui ont trouvé là non seulement un moyen d'extraire un matériau qui leur était indispensable, mais qui était aussi indispensable aux communautés autour d'elles. En tout cas, le sel, il y en a un peu partout. Je pense aux sources salées de Vézelay en Bourgogne. Il y a plein d'endroits en France où on trouve du sel. Du sel gemme. Oui, alors donc, il y a du sel gemme, c'est-à-dire c'est du sel en roche qui provient de mers très très anciennes, d'époques géologiques. La plupart du temps, ce sel gemme, il est enfoui à plusieurs centaines de mètres de profondeur et il n'est pas accessible. Les endroits où il est accessible, où on le rencontre par l'intermédiaire de sources salées, c'est dans les Alpes en particulier. Et un petit peu dans le Jura, des deux côtés du français et suisse. Et ailleurs, comme en Lorraine, le banc de sel gemme qui s'étend jusqu'en Franche-Comté est enfoui à environ 200 mètres de profondeur. Dans la vallée de la Seille, il est seulement à 60 mètres. Donc il y a des failles. Il est accessible. Voilà. Et donc la saumure remonte saturée en surface. Alors justement, Laurent Olivier, le sel est-il un sujet porteur pour les archéologues ? C'est un sujet extraordinaire parce que au-delà de l'aspect consommation du sel, étant donné que c'est une ressource stratégique essentielle, c'est un levier social et c'est un levier économique. Et faire l'archéologie du sel, c'est aussi faire une archéologie de l'économie et de la société dans des endroits où les données sont abondantes pour essayer de comprendre les transformations qui ont pu s'être opéré en liaison avec cette exploitation du sel. Et d'ailleurs, il y a quand même plusieurs archéologues en France qui travaillent sur le sujet. Oui, on sent que c'est un thème qui monte. Oui, bien sûr. C'est un thème très intéressant, non seulement en France, mais aussi en Europe. Rappelons que pour les archéologues, le premier âge du fer, l'âge du fer qui nous concerne et qui vous concerne aujourd'hui, Laurent Olivier, se dénomme le Hallstatt, justement du nom d'une mine de sel en Autriche. Oui. Alors c'est un tout petit village perdu au bord du... C'est le village que les Chinois ont reproduit à l'échelle 1-1, ce qui soulève la colère des habitants de Hallstatt. Et Hallstatt, c'est donc un tout petit village de bord de lac. Et on y a découvert, quand on a travaillé à la mine de sel qui se trouve dans le Salzberg, dans la vallée au-dessus, une extraordinaire nécropole qui est probablement la nécropole la plus riche de toute l'Europe. Et qui a permis de se rendre compte qu'il existait effectivement une civilisation européenne du premier âge du fer, parce qu'on trouvait les objets qu'on trouvait à Hallstatt, on les trouvait répartis ensuite dans toute l'Europe. Et ce qui est absolument étonnant avec Hallstatt, c'est que c'est aussi un carrefour économique, c'est-à-dire qu'on a pu voir qu'il y a de nombreuses importations d'objets qui sont le reflet de l'opulence et donc du caractère très important de l'exploitation du sel, parce que c'est la nécropole des mineurs. Et c'était des véritables galeries de sel ? Alors, on les trouve, les restes de galeries, on les a trouvés par l'intermédiaire de la mine moderne du 19e, qui est encore un petit peu en exploitation au 20e. Et c'est vraiment spectaculaire parce que le sel, c'est quelque chose de plastique. Donc, les galeries se sont effondrées. Mais comme le sel est un matériau qui conserve très bien les matériaux organiques, vous avez tout le sol des galeries, ça fait plus que 10 cm, mais c'est absolument formidable. Et les paniers, même pour le transporter. Les paniers, les restes de tissus, les allumettes pour s'éclairer, et même les crottes des mineurs, c'est extraordinaire, il y a tout. En tout cas, Laurent Olivier, comment avez-vous trouvé votre gisement sur lequel vous travaillez aujourd'hui ? Ce qui nous intéressait dans la Vallée de la Cèze, c'était le côté défi, en fait. C'est quand on fouille d'habitude, on sait ce qu'on fouille. Quand vous fouillez une nécropole, bon, vous savez que des gens sont morts, ils sont enterrés, il y a des jeunes, des vieux, il y a des riches, des pauvres, des femmes, des hommes. Quand vous fouillez un habitat, les gens habitaient là. Hein. Quand vous fouillez dans la Vallée de la Cèze, vous ne savez pas ce que vous savez pas ce que vous trouvez. Ce qui m'intéressait, c'était de faire de l'archéologie industrielle, à une échelle industrielle, et de comprendre... les processus industriels qui peut y avoir derrière ça. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, ça, c'est, je dois dire, c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisé en Angleterre, c'est toute la question paléo-environnementale qui chez nous, pendant longtemps, a beaucoup patiné. Et là aussi, c'est un sujet en plein développement en ce moment. C'était justement de se dire, ne regardons pas l'environnement comme un simple décor. Il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des céréales, mais comme quelque chose qui est en interaction avec le social et l'économique, qui est transformé par l'homme, mais qui aussi contraint l'occupation humaine. Et essayons de regarder comment ça marche, si on peut le savoir. D'ailleurs, vous avez entrepris de très importantes prospections géophysiques. On voit bien désormais l'étendue du site qui semble absolument gigantesque. Oui, alors la géophysique, ça a été justement un outil formidable de reconnaissance. Ça ne règle pas tout, mais ça nous a permis déjà de zoner les secteurs d'activité. En fait, les ateliers de l'âge du fer s'étendent sur à peu près 8 km de longueur. Ça représente une masse de déchets de terre cuite, un déchet de fourneau, de moule à sel, qui est estimé à environ 3,5 millions de mètres cubes. Donc une masse absolument extravagante, accumulée en quelques siècles. Et puis on a des ateliers qui peuvent s'étendre couramment sur une dizaine d'hectares. Et pour les ateliers gaulois, la taille est absolument gigantesque. Ça atteint 40 à 50 hectares d'un seul tenant. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Laurent Olivier que vous êtes spécialiste de l'âge du fer, conservateur en chef du patrimoine au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, auteur de nombreux livres, dont le dernier « Nos ancêtres, les Germains », publié chez Taillandier. Durant le premier âge du fer, nous voici devant de véritables exploitations. Comment les Gaulois produisent-ils le sel à Marsal et dans la vallée de la Seille ? Alors, on a travaillé justement avec des chimistes, un grand chimiste du sel qui s'appelle Pierre Laszlo, à partir d'un analyse chimique du sel de Marsal. Parce que l'hypothèse traditionnelle qu'on avait tous en tête, c'est qu'il suffisait de prendre la saumure, la faire chauffer, et ça faisait du sel. Si on fait ça, d'abord, ça demande énormément d'énergie de tout évaporer. Et quand vous avez tout évaporé, il y a du sel, d'accord, mais il n'y a pas que du sel. Il y a aussi des choses qui sont impropres à la consommation, comme du magnésium, etc. Donc, en fait, en réalité, ce qu'il faut faire, il faut faire ce qui se faisait dans les salines traditionnelles, il faut faire légèrement chauffer l'eau salée pour en extraire une pellicule qui est une pellicule de sel mouillé. Et pour améliorer le rendement, parce qu'on est dans une logique, on n'est pas dans une logique artisanale, on est dans une logique industrielle, il faut que votre saumure soit à saturation. Parce que vous imaginez bien que s'il n'y a pas beaucoup de sel dans votre saumure, vous allez dépenser beaucoup plus de combustible à faire chauffer pour obtenir une quantité moindre. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait il y a toute une étape, il y a toute une série de chaînes d'enrichissement et de concentration de la saumure qui commence depuis l'extraction où on l'a fait se décanter pour éliminer les impuretés comme la terre, l'argile qui sont dans l'eau salée, parce que l'eau salée traverse 60 mètres de sédiments, donc elle arrache aussi des choses au sous-sol qui se retrouvent dans la saumure, qu'il faut enlever. Et puis ensuite, il faut la concentrer, donc avec des techniques qui sont utilisées encore en Afrique, qui sont des techniques de lavage des terres salées, qui permettent avec des espèces de... Ça, c'est un système qui ressemble un petit peu au filtre pour faire du café, des grands paniers dans lesquels on met de la terre, on verse de l'eau, on récupère un jus qu'on concentre et qui va servir à porter la saumure à saturation. L'ethno-archéologie est un bon outil pour vous, comparaison par exemple avec ce qui peut se faire au Niger, au Tibet, reste des bons éléments de compréhension pour ces mines de sel. Ça a été un élément, c'est déterminant en fait, parce que si on n'avait pas l'ethno-archéologie, il y a de nombreux éléments qu'on ne comprendrait pas. Par exemple, les secteurs qu'on a beaucoup fouillés ces dernières années, parce que ça nous manquait, c'est tous les secteurs de traitement de la saumure. Et dans ces secteurs de traitement de la face au mur, on trouvait d'une manière inexplicable une grande concentration d'éléments de parure féminins, des objets usagés, des bracelets cassés en lignite ou en roche noire qui s'étaient fendus, des perles d'ambre ou de corail tombées des colliers. Et cette concentration d'éléments de parure extraordinaire par rapport à un habitat, ça, on trouve quasiment, c'est exceptionnel de trouver ces trucs-là, s'expliquait pas. En fait, quand vous regardez l'ethno-archéologie, vous vous rendez compte qu'il y a une division usuelle du travail qui est sexuelle. C'est-à-dire que les femmes s'occupent en général de l'enrichissement de la saumure. Elles travaillent dans ses fosses, à la décanter, à la concentrer. Tandis que les hommes sont plutôt occupés à l'entretien des fourneaux, à mettre du combustible, à régler la chaleur, etc. Et en fait, la présence de ces éléments de parure s'explique. C'est des éléments de parure de femmes qui ont été perdus en cours de travail. On en trouve beaucoup parce qu'il y avait des femmes. Et les femmes travaillaient en portant leur parure. C'est des parures qu'on trouve exactement dans les nécropoles de tumulus contemporaines. On se rend compte qu'elles sont portées par paire, associées à des gros bracelets en bronze qu'on ne trouve pas, parce que les bracelets en bronze ne se cassent pas, mais c'est ces types de femmes qui travaillent là. Des femmes riches ? C'est des femmes riches, évidemment, hein, dans les nécropoles. Peut-être propriétaires des lieux ? Certainement. C'est difficile à déterminer. Matrilocalité ? C'est difficile à déterminer archéologiquement, mais c'est très très probable. Hein. Et encore une fois, ça heurte un a priori. On n'est pas du tout dans un travail de... C'est un travail pénible, mais ce n'est pas un travail de prolétaire. Les gens qui travaillent là sont des gens riches. Et c'est un indice qui nous permet de penser qu'ils possèdent en fait les salines. Et c'est pourquoi on en a beaucoup sur toute la vallée. C'est les petites exploitations familiales. En tout cas, ce que vous avez retrouvé, ce sont les fourneaux, les madriers, les réservoirs à saumure, à cuisson. Tout ça, vous l'avez désormais. C'est tout le processus. On a tout le processus, on a toute la chaîne, on a aussi tout l'outillage qui va avec. Il nous manque juste une chose qu'on n'a pas trouvée. On n'a pas trouvé les sources d'extraction, c'est-à-dire les puits, par exemple. On sait qu'on est tout prêt. On a trouvé des éléments, de gros éléments de cordage du même type que ceux qu'on trouve à Hallstatt, donc pour lever des charges. Et on pense que c'est lié à lever les baquets de saumure. On a trouvé aussi des baquets de saumure en bois, à les lever des puits. Mais vous savez, tout près à pied, 20 mètres ou 30 mètres, c'est juste à côté. Mais sur une fouille, sur plusieurs mètres d'épaisseur, c'est des dizaines d'années de travail. Donc on est tout près, mais on n'a pas réussi à les avoir. Vous avez aussi donc trouvé quelques très beaux objets en bois, vous en parliez, ce sont des objets rares en archéologie. Pour l'âge du fer, c'est exceptionnel. Je pense qu'on a la plus grande collection d'objets en bois du premier âge du fer en France. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a trouvé des objets qui sont identiques à ceux qu'on trouve dans les mines de Hallstatt. À Hallstatt, il y a aussi des petites coupes en bois, il y a aussi des petits objets en bois du même type que ceux qu'on trouve à Marsal. Et on voit aussi, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le bois, le travail du bois, on a énormément de chutes de chutes de travail de bois, ça occupe une grande partie des activités. Et là encore, c'est intéressant de comparer avec ce que donnerait un site terrestre. On se rend compte que, en volume, le bois, c'est 90% du matériel qui sort de ce site-là. Laurent Olivier, de quelle date exactement peut-on dater cette production de sel ? Alors, dans les années 600 peut-être ? C'est le premier âge du fer. Ça commence d'une manière absolument intensive dans une période archéologique qu'on appelle le Hallstatt D1. C'est-à-dire après le Hallstatt ancien, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors là encore, ce qui est tout à fait intéressant et problématique, hein, c'est que ça démarre tout de suite par une production super intensive. Et les phases les plus anciennes, on a beaucoup de mal à les observer parce que ce n'est pas des phases d'exploitation intensive. L'exploitation intensive commence au Hallstatt. Alors là encore, quand on raisonne en termes anthropologiques, c'est quelque chose de tout à fait bizarre parce qu'on est censé être dans des économies qui ne sont pas des économies monétaires, c'est des économies du don, hein, et du contre-don, c'est des économies de la dette. Et on n'est pas censé être dans des économies à état, à classe sociale, à surplus, à capital. Mais on est déjà dans une économie qui produit largement au-delà d'une demande locale et probablement pour arroser des bassins de consommation qui s'étendent jusqu'en Allemagne et dans le bassin parisien. Et pourquoi cette production intensive d'un seul coup ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, je pense que... Mais bon... C'est une question qu'il faut travailler en détail, hein, ça ne vient pas comme ça. Je pense que là, on a le symptôme, on a le signe d'une transformation sociale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des sociétés dites primitives, mais on est déjà dans quelque chose qui tourne au profit de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent, qui produisent des surplus et qui en tirent l'avantage. Les sociétés primitives, comme l'a montré merveilleusement Clastres, sont des sociétés qui s'opposent à toute forme d'enrichissement personnel ou à toute production de surplus. Là, on est dans l'inverse. Ce qui est tout à fait étonnant de voir, c'est que quand vous regardez les pratiques funéraires, on voit apparaître des pratiques qui sont des pratiques de dette. C'est-à-dire que pour construire un monument funéraire, c'est une œuvre collective, et c'est une œuvre collective au profit d'un seul individu. Et on a pu déterminer, c'est très flagrant, en Lorraine et dans cette partie de l'Allemagne juste frontalière qui est la Sarre, que plus les individus sont élevés dans les strates sociales, plus il y a de volume d'énergie qui est dépensé pour leur tombe. Donc plus il y a de gens qui leur doivent du travail, en d'autres termes. Et ça, c'est des petits éléments, mais c'est quelque chose qui converge vers l'idée qu'il y a un changement dans la production économique qui autorise la production de surplus, parce que c'est lié à une économie de la dette. Donc on peut penser que le contrôle du sel était bien géré par les élites, hein. Alors, j'aime pas le terme d'élite qui a une connotation, je trouve, un peu douteuse. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a déjà la mort d'une société en classe qui commence à arriver à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, on a de bonnes raisons de penser que le sel est contrôlé par quelques-uns. Et en tout cas, le fait qu'on ait une surproduction, ça, c'est le signe de ça. Parce que on doit penser aussi aux usages du sel. Le sel étant une matière première absolument vitale, celui qui produit ça ou celui qui contrôle la production de ça contrôle une matière première dont tout le monde a besoin. Et donc, il en fait ce qu'il en veut. Donc, ça dégage des ressources extraordinaires. Et dans des sociétés inégalitaires de ce type, pour les potentats, c'est une ressource extraordinaire avec laquelle on peut acheter des mercenaires, fabriquer des fortifications, etc. Donc, il y a une relation entre le sel et la dette, payer la dette de la guerre. Peut-on cerner l'impact de cette industrie sur l'environnement ? Alors oui, c'est tout l'intérêt des recherches qui sont menées par plusieurs équipes. On a une équipe qui est animée par un jeune chercheur belge qui s'appelle Simon Jusseret de l'Université de Louvain-la-Neuve. Et puis on a une équipe anglaise des universités de Reading et de Londres qui font un travail extraordinaire qui montre que, en fait, la surexploitation du sel a amené du déboisement, a amené de l'érosion. Ils ont rejeté leurs déchets directement dans la rivière. Et on voit très vite une corrélation entre l'augmentation de la fréquence des crues et l'exploitation du sel. Et puis on voit aussi que pour le combustible, on retrouve les charbons de bois dans les fourneaux. On corrèle ça très bien à l'évolution paléologique. On voit des phases de déforestation dans lesquelles le chêne et le hêtre sont disparaissent systématiquement parce qu'ils sont exploités pour le combustible. Ce qui pose aussi des questions intéressantes, ce sont des questions de gestion de la ressource forestière. Des chênes et des hêtres, il faut prévoir, vous les coupez, mais après, il faut prévoir que ça doive repousser pour que les générations suivantes s'en servent. Il faut gérer. Alors, est-ce qu'ils le font ou bien est-ce qu'ils sont déjà dans une surexploitation qui mène à une crise ? Hormis le sel, quelle autre production aurait eu un tel impact dans l'économie, bien sûr, celtique ? Peut-être le fer ? Mais je ne crois pas. Pas à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est une question qu'on n'a pas abordée, c'est que, en fait, ces transformations économiques et sociales, elles n'interviennent pas de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Il faut imaginer que la vallée de la Seille, c'est un véritable laboratoire au VIe siècle et jusqu'à la romanisation. Dans les autres parties de la Gaule, entre guillemets, protohistorique, l'évolution sociale, elle n'est pas comme ça. Donc, c'est très hétérogène. Et le sel, à mon avis, est le seul levier, c'est la seule ressource aussi importante qui permette de produire ces transformations sociales aussi, de manière aussi spectaculaire. Laurent Olivier, merci. Ce mois-ci, la revue Archéologie, partenaire du Salon Noir, s'intéresse non pas au sel, mais aux productions des amphores à huile, mais aussi au garum, cette saumure si appréciée des Romains. La revue se penche d'autre part sur les relations des Gaulois et des Romains à Toulouse, sur le passé de la Sicile, enfin sur la réalité virtuelle, les restitutions numériques, la modélisation, tous ces nouveaux outils fort précieux pour les archéologues. À lire donc dans le numéro de février de notre partenaire. Une nouvelle, enfin, le musée préhistorique finistérien de Pamar semble menacé de fermeture par son propriétaire, l'université de Rennes. Ce petit musée contient non seulement des trésors, mais aussi un joyau de la muséographie. Aujourd'hui, sa fermeture serait bien sûr un drame, une catastrophe, tant pour le public que pour les archéologues. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Anthony Thomasson, attaché d'émission Catherine Denet.